Merlin qu'il cherche la solution. Réveille Merlin, tu as trop de questions. Passe sous l'orange et face ce visage. Réveille Merlin pour dire qui a raison. Réveille Merlin, même si tu sais la leçon. Passe les promesses faites de caresses en l'air. Tu vois, ce n'est pas sorcier de tout casser, mais tu vois, t'as besoin d'un sorcier pour te guider. Réveille Merlin qu'il t'offre une illusion. Réveille câlin, peut-être dit la leçon. Sorcier.